بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Comme on avait annoncé, ولله الحمد, on commence ensemble cette nouvelle série. Cette série, ça sera sur la lecture de certaines fatawa de Ahl al-Ilm. Le but, c'est de propager les avis de nos savants, des savants de la Sunna, sur des questions d'actualité ou autres. On vit à une époque ils ont un ijtihad kabir, mais dans la propagation du mal, ils font beaucoup d'efforts. Et ils propagent des fatawas qui sont basées sur les passions. Ba'dhum, c'est du mensonge clair. Ba'dhum, c'est de l'ignorance. Ba'dhum, c'est pour satisfaire les autres. Et ba'dhum, ils propagent des fatwas dégarées. Enfin, le but, c'est de propager la science de nos savants. Alayhim rahmatullah, les savants de la sunna. Kadhalik, on a choisi de lire ces fatwas de plusieurs ouvrages. Ce n'est pas que d'un livre. On essaiera de prendre de plusieurs savants, de plusieurs livres. Bi'idnillahi azza wa jal. Et un des buts principaux, c'est qu'on vit à une époque la plupart des gens, ils ont l'habitude d'écouter des audio-cours. Amma les longs doros, les longues séries, فَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ إِلَّا مَنْ وَفَّقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ أَنَّهُمْ ils n'écoutent pas. Ils n'ont plus la force, ils n'ont plus le temps. وَنَسْأَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ الْهِدَايَ لِلْجَمِيعِ. Et هنا, c'est un tambih important au début de cette série. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite. Apprendre ton din, ça ne sera pas qu'avec ces audio-cours ou avec des simples traductions ou avec telle fatwa. Là, ça aide, ça c'est à la tariq. C'est pour ça que nous, on a placé hada après nos deux cours. Et en fait, l'ilm, c'est d'étudier les livres, étudier le Coran, le Karim, étudier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étudier des moutons dans chaque matière, dans l'aqidah, dans la langue arabe, dans le fiqh, il a akhiri, c'est ça l'ilm. Et tu pourras comprendre les fatwas des savants, et tu pourras comprendre la divergence, et tu pourras choisir, bi'idnillahi azza wa jal, l'avis qui est basé sur le haqq. Même si tu te trompes, tu auras choisi cet avis, les annaka, tu as des fondements, pas par passion, pas par suivi aveugle, pas pour satisfaire un tel, pas pour te rassurer, abadan. Là, on a décidé de lire, inshallah, après chaque cours, les deux cours qu'on fait, une fatwa sur un sujet différent. Aujourd'hui, on commence par une question qu'ils ont posée à Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, fi hadha al-kitab Fatawa 'ala at-tariq. Fa su'ila rahimahullah kayfa nata'amal ma'a man nurshiduhu ila shay yanfa'uh fiyuqabilana bi'ibaratin badhi'ah wa qad yahtaqiruk aw yusii'u ilayk. Hadha san su'al muhim. On est tous concernés par ça. كيف نتعامل, et comment se comporter avec des gens, en fait, tu veux leur bien. نرشده الى شيء ينفعه. Et tu veux lui montrer une chose utile pour lui. Fais telle chose ou délaisse cette chose. Ou tu devrais apprendre cette chose, tu devrais écouter cette chose, tu ne devrais pas fréquenter un tel des choses, c'est pour lui. Et en fait, هذا النصح, ça montre ان هذا المسلم il veut le bien pour son frère. لكن بعض الناس, ils ont beaucoup de faiblesses et ils pensent que ce n'est pas pour leur bien. Bel Bardoum, ils se sentent clairement attaqués. Directement, ils repoussent. Directement, ils accusent. Enfin, ils ont posé à Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, فَيُقَابِلَنَا بِعِبَارَاتٍ بَذِيئَةٍ. Peut-être qu'un tas, tu veux son bien, tu lui montres, et huwa, il te répond avec une mauvaise parole. Ah, ou il se moque. قَالَ وَقَدْ يَحْتَقِرُكَ. Peut-être même, il va te rabaisser. Laisse-moi avec ta chose, laisse-moi avec hada, c'est fini, on est au 21e siècle, min hada al-kalam, al-fariq. Ou yusi'u ilayk, plus grave encore, il voudra te faire du mal. Enfin, comment se comporter? Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, kullu insanin yata'amal ma'a an-nas, labud an yasma' ma yu'dhih mahma ka. Hada, c'est un jawab mufid. Awlan, Cheikh Ibn Uthaymeen, il te cite cette règle, cette base. Anna, si tu veux appeler les autres au bien, Anna, tu seras éprouvé. Tu seras éprouvé par des mauvaises paroles, tu seras accusé. Ne crois pas que tariq ad-da'wa, pour montrer les gens, ou pour montrer aux gens le bien, Anna, tu vas être accueilli les bras ouverts. Anna, le chemin il va être très très simple. Abadan. Qala rahimahullah, فَأَمْزِجَةُ النَّاسِ مُخْتَلِفَةً. Al-amzija, c'est la nature, le caractère. Les gens, ils ne sont pas pareils. قَالَ وَمِنْهُمْ ذُو الْخُلُقِ الطَّيِّبِ وَمِنْهُمْ الرَّدِي وَمِنْهُمْ الْمُتَغَطْرِسِ. Tu auras affaire à ces catégories de gens. Un jour, tu vas vouloir montrer à Wahid, tu vas le trouver très doux, très modeste. Il accepte le haq, alhamdulillah. Un deuxième jour, tu vas parler à un autre, tu vas lui montrer فَغَطْرَسَ كِبْرِ. Il n'accepte pas la vérité. Un autre, la dureté. Un autre, il prend tout en s'amusant. Robamanta, tu veux le khayr, tu lui montes et ouais, il fait une blague. Fala bud min sabr. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, fa wajib sahib al-da'wa ou sahib al-amal alladhi yuhmad alayh an yasbir. T'es obligé de patienter. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, ألم تعلم أن نبيك عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الناس إلى عبادة الله ولم يطلب منهم مالا. فالحقيقة هذا هو مثال طيب. هذا هو أفضل مثال. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أن كنت النبي صلى الله عليه وسلم لغة في الدعوة لا يطلب d'argent. Il aura rien demandé en échange. فقط il leur a montré le خير pour eux et il leur voulait le bien. قال إن مكان الساجد عند الكعبة وأعظم مكان في الأمن هو المسجد الحرام فجاءت قريش وأتت بسلى ناقة ووضعوها على ظهره قال سلى الناقة هو الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه أي وكي الانفان c'est comme un sac et quand la chamelle elle accouche son bébé il sort et il est enveloppé, c'est comme un sac. Il y a du sang, ça sent mauvais. Ils ont pris Hada et le prophète, il était prosterné avant l'amkina, dans le Kaaba, dans le haram. Et ils ont posé cette saleté sur son dos. Et il faisait sujoud. Il dit, « Allah, wa wada'u ala dhahri, alam ta'lam anna Qurayshan saddathu » عن المسجد الحرام وهو قادم للعمرة. تأمل هذا. Si ça nous arriverait à nous, ça serait très difficile de patienter. النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة jusqu'à مكة. Proche de مكة, Quraysh, ils se mettent sur son chemin et ils lui interdisent de rentrer في مكة. مكة المدينة, c'est à peu près 400 km. Il te faut à peu près un mois de marche. Un peu plus, un peu moins. Et vous connaissez la chaleur qu'il y a هناك. Anta, si tu viens en voiture et tu es repoussé, Allahu alam, est-ce que tu vas patienter? Mais si tu viens en avion, une demi-heure et il te repousse, Allahu alam, qu'est-ce qui va se passer? Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, des mois, des jours, des semaines de marche, et au dernier moment, ils lui disent, là, tu ne fais pas à l'umrah. C'est du dhulm. Lakin, qala rahimahullah, وَمَعَهُ الْهَدْيُ يُذْبَحْ فِي مَكَّةِ وَيَشْبَعْ مِنْهُ أَهْلُ مَكَّةِ وكذلك الصلح الحديبية قد صبر فيه حتى عند كتابة الوثيقة لما قال صلح الحديبية quand ils ont fait le pacte entre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le mushrikoun il y a un pacte de paix personne n'attaque l'autre فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمع qu'est-ce qu'ils ont fait قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم النبي صلى الله عليه وسلم quand ils ont commencé l'écriture il a dit écrivez بسم الله الرحمن الرحيم قال قريش qu'est-ce qu'ils ont dit le mushrikoun لا تكتب الرحمن ما نعرف الرحمن نكتب الرحمن on sait pas c'est qui الرحمن c'était des kuffars قال ماذا اكتب النبي صلى الله عليه وسلم il leur a répondu qu'est-ce que j'écris alors قال اكتب باسمك اللهم tu écris باسمك اللهم فإلى écrit قال الرسول صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم pourquoi pose-toi la question pourquoi toute cette patience النبي صلى الله عليه وسلم c'était le plus courageux c'était le plus fort عليه الصلاة والسلام Il était assisté par Allah Azza wa Jal. Lakin, c'est pour éduquer la Ummah. C'est pour nous éduquer, pour éduquer ses compagnons et ceux qui viennent après. Qala, wa lamma qala uktub hadha ma qada alayhi Muhammadun Rasulullah. Pour finir le pacte, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, écrivez Muhammad Rasulullah. Muhammad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qala, la taktub Rasulullah. Ils ont dit directement, n'écrivez pas Rasulullah. Pourquoi ? لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. Ils lui ont répondu si on aurait vraiment la conviction que tu es le messager d'Allah, on t'aurait pas combattu. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اكتب؟ النبي صلى الله عليه وسلم il leur a dit qu'est-ce que j'écris? Ils lui ont répondu اكتب محمد ابن عبد الله. قال صلى الله عليه وسلم اكتب محمد ابن عبد الله والله اني لرسول الله وان كذبتموني. النبي صلى الله عليه وسلم il lui a dit écris محمد رسول الله. Et il leur a montré je suis le messager d'Allah même si vous n'acceptez pas. Cheikh Uthaymeen rahmatullah alayhi après tout cela قال كل هذا لاجل الحق. Tout ça, ce n'est pas par peur, par crainte, par manque de courage. Tout ça, c'est pour le haqq. Fatastafid, anta akhil karim, anna patiente. On n'est pas là pour défendre notre propre personne. Si tu appelles à Allah, azza wa jal, patiente avec ta famille. L'essentiel, c'est de faire parvenir hadhihi as-sunnah. L'essentiel, c'est de montrer al-haqq li ha'ula. Beaucoup de gens, ils rejettent il akhiris à cause de leur ignorance. Beaucoup de nas, ils sont à bout. Et en fait, celui qui rejette, c'est à cause de ses faiblesses. Et celui qui patiente, c'est parce qu'il est fort. Al-da'wa, tu as besoin de ces forces. قال شيخ ابن عثيمين فعليك بالصبر والتحمل. Celui qui ne peut pas هذا, fait qu'il ne se fatigue pas et rentre pas dans des choses que tu ne maîtrises pas, akhil karim. Tu feras plus de dégâts. Ça arrive que بعض الناس, ils veulent montrer الحق, la vérité. Thumma, ça finit en problème et il se défend lui-même. Et il donne une mauvaise image de la sunna et de l'islam. هذا لا ينبغي. Montre billati hiya ahsan. Et là, بد من تحمل. Et là, si tout le monde accepterait le haqq et ça serait facile, bah, le haqq, tout le monde le ferait. Là, al-da'wa, c'est facile pour celui à qui Allah il facilite. Lakin, il faut patienter. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله وعلم أن استمرار الحال من المحال. Ça, c'est une faïda عظيمة. أن استمرار الحال من المحال. C'est impossible que ça reste toujours comme ça. Au départ, tu auras des difficultés. Thumma Allah, il ouvre les portes. Tes proches, au départ, ils n'acceptent pas. Et un bon comportement. Montre billati hiya ahsan. Fais des efforts, fais l'ilm. Parle pas avec tes patients. Et là, on a un autre problème. C'est que certains, ils font da'wa, mais ils parlent d'eux-mêmes. Hatta, c'est arrivé, anna, بعض الناس, ils demandent des arguments. Tu me dis telle chose, c'est interdit. Montre-moi. En gros, là, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est pas ça, da'wa. Il t'a demandé un argument. Si tu sais pas, dis-lui, je ne sais pas. Je vais chercher et tu lui montres. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله وعلم أن استمرار الحال من المحال. Tes parents ils ont pas accepté aujourd'hui, ils accepteront demain بإذن الله عز وجل. On قدر ils ont pas accepté, ça arrive. Ils ont pas accepté, alhamdulillah, tu as fait un effort. L'effort que tu as fait, tu seras récompensé. L'imam de la mosquée aujourd'hui il a pas accepté, بإذن الله عز وجل il acceptera. Et on montre. Et on se comporte par rapport aux gens. Les كل مقام مقال. Si c'est un ennemi de l'islam, un munharif, un mubtadi' qui ne veut pas le khair, on a un comportement, bien sûr, par rapport à la capacité. Lakin, si c'est wahad, il aime al-haq, lakin, c'est son ignorance. Et ta'alamoun, on vit à une époque, anta tu parles, anta tu vas lui dire telle chose. Matalan, c'est une bid'a. Il va allumer son téléphone et un autre égaré va dire, là, c'est une sunna. Donc si tu t'énerves, tu perds tes moyens, tu te précipites, rubbama huwa, il va écouter l'autre, il va dire, hada, il a un mauvais comportement. Pourquoi il s'énerve? Pourquoi il veut m'imposer? Il va trouver l'autre avec douceur, il a akhiré, et il propage leur bid'ah. On a une responsabilité énorme. As-sabr. Et parmi les choses qui aident à patienter, قال شيخ ابن عثيمين وَإِذَا صَبَرْتَ ابْتِغَاءِ وَجْهِ اللَّهِ فَاثْبُتْ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولْ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. N'oublie pas هذا. N'oublie pas ce verset. Si tu patientes, tu auras une énorme récompense. Donc on fait da'wah, c'est pas pour une entreprise, c'est pas pour remplir nos poches, c'est pas pour avoir des suiveurs. On fait da'wah, c'est pour montrer din Allah. Enfin, si tu as ce principe dans ton cœur, al-ikhlas wa sidq, c'est pour Allah. Kadhalik, tu espères la récompense. Kadhalik, tu remplis ta responsabilité, tu as du ilm, tu dois montrer, tu montres. Et ça s'arrête là, et tu sais que Allah, c'est celui qui guide, Azza wa Jalla. Ce qui nous fait perdre nos moyens, ahyanan, c'est quoi? C'est qu'on se met des responsabilités que personne ne nous a données. On veut guider les gens de force. Hada, c'est pas sahih. Innaka la tahdi man ahbab. T'as fait da'wa. Et ton but avec da'wa, c'est la récompense. Et c'est la satisfaction d'Allah, Azza wa Jalla. Même si tu es rejeté, fil haqiqa, ça ne doit pas faire grand chose. Bien sûr, on est des êtres humains, certaines choses ça touche. Lakin, en se rappelant de مثل هذه الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الحمد لله. Il te rejette, il perd ses moyens, en tant tu es récompensé. Il t'insulte, il t'accuse, il fait que de te donner ses hasanat ou t'alléger de tes péchés. Fasbir. Et hadith Sahl ibn Sa'd radiyallahu an, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam taqaddam ma'ana. Hada fi kitab tawhid et dans d'autres livres. قال لعلي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فوالله le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a juré فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الحديث اللي في الصحيحين si Allah subhanahu wa ta'ala guide une personne et c'est toi la cause c'est mieux que حمر النعم ils traduisent par les chamelles rouges c'était des chamelles qui avaient une énorme valeur à l'époque les arabes ils aimaient beaucoup ces montures. Enfin, c'est mieux que cela. C'est mieux que les choses que les gens ils aiment faire dit tenir. Si tu es la cause de la guider d'une personne, enfin, c'est mieux. Et كذلك قوله عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله أجر فاعله. من دل على خير, celui qui montre une chose de bien, une guidée, une sunna, une adoration, il a la récompense de celui qui l'applique. Le hadith, il est fait sahih, muslim. فعلى كل حال, هذه الفتوى elle est مهمة. Et on est tous concernés. Le but, c'est de propager le haq. On vit à une époque, beaucoup de muslims, ils aiment la vérité. Et ils veulent la vérité. Lakin, les réseaux sociaux, dans la rue, au travail, la famille, كل واحد lui dit une chose. هذا, il lui dit, c'est bien de faire telle chose, l'autre il lui dit c'est pas bien, l'autre il lui dit il faut demander un tel, l'autre c'est compliqué. Nous, il faut qu'on essaye d'être un miftah khair pour les autres. On vit à une époque et on est obligé d'avoir un certain usloub. Les gens ils sont pas prêts dans beaucoup de choses, ils ont des faiblesses dans beaucoup de choses. Fa billati hiya ahsan. Et même si quelqu'un il prend mal ou il attaque notre propre personne, فنحن si on fait da'wa لله عز وجل on patiente كما قال عز وجل ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم ادفع بالتي هي احسن repousse de la meilleure manière. ربما au départ il a de l'animosité, il parle mal, mais quand tu vois ton comportement, tu es calme, tu es serein et tu lui veux son bien et tu lui montres انا je veux que ton bien. كثيرا كما قال عز وجل ça devient un wali hamim, un allié très très proche. Il changera. Et en fait, c'est min ad-da'wa. Peut-être que tu vas lui montrer quelque chose avec ta langue et de la science, et qu'il va apprendre de ton comportement. Nas'alullah azza wa jal an yuwaffiq al-jami' walhamdulillah. On répète le marji' fatawa ala al-tariq de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, la fatwa numéro 1900 36 والحمد لله رب العالمين